des expériences productives, des pensées positives, surtout des pensées positives et de quelque chose qui peut nous procurer de la joie. Parfois, puisque tout est bon à prendre. Plus souvent. Parfois mélancolique. Parfois de la tristesse, en fait. La réalité de la vie. La réalité de la vie. On parle de la réalité de la vie, en fait. Mm-hmm. Mais en fait, on apporte beaucoup plus de la joie en communiquant entre patients et soignants. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut présenter le programme éventuellement ? On passe la parole à Tessa, peut-être, pour présenter le programme. Merci de la présentation. Merci, Adja. Merci, Jérémy. C'est super. Hein. C'est chaque fois plus peaufiné, vous arrivez à expliquer vraiment bien ce qui se passe. Oui, qu'est-ce qui se passe. Ouais. Madame Barry, elle a une belle voix, elle explique bien. Oui, voilà, c'est ça. Donc, au programme aujourd'hui, on va parler du Portugal, parce qu'autour de la table, il y a des personnes portugaises. Ouais. Aussi de la médecine au Portugal, avec une stagiaire qui est présente, stagiaire en médecine. Et Quentin nous parlera de ses chroniques sur la psychiatrie institutionnelle et la sociopsychiatrie. Du 93. Voilà. Donc on a un programme bien nourri aujourd'hui. Et hein. Sophie éventuellement. Sophie, tu voulais parler de quoi ? Il y a un micro là à côté de vous, là. Prenez un micro là. Oui. De mode. Okay. Sympa. Voilà. Moi, je vais parler de la philanthropie. De la philanthropie. Fatoumata. Fatoumata, tu veux parler de quoi ? Prends le micro là, les quatre. Moi, je parle de rien. Fatoumata, elle peut parler quand elle veut, mais surtout, elle fait les intermèdes musicales. D'ailleurs, tu pourrais nous faire une petite musique d'introduction, là, pour nous faire monter dans l'air. Oui, je ne sais pas faire, mais je me débrouille. Si, tu fais. Improvise, Fatoumata. Oui, c'est ça. Improviser. En tout cas, je tiens à souligner que Fatoumata, au fil des séances, elle est toujours autant heureuse. Comme si la misère du monde ne l'atteignait pas. Elle est tout le temps heureuse, elle est solaire et ça fait plaisir. Moi, je me dis qu'il faut toujours être heureuse dans la vie, avoir la vie de bon côté. Avoir les pieds sur terre et être toujours positive, c'est important. Et toujours être joyeuse, quoi. De ne pas être hargneuse ou quelque chose comme ça. Toujours s'estimer heureux. Si, tant qu'il y a vie, il y a espoir. Quand on se réveille le matin, on trouve qu'on a la santé, qu'on est en bonne santé, qu'on a la forme. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas à s'inquiéter et tout ça. Et c'est la belle vie, quoi. Je me dis, il faut la partager avec tout le monde. Il ne faut pas être triste. Mais souvent, les gens sont renfermés sur eux et égoïstes. Ouais. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Des fois, les gens sont hypocrites aussi. Hypocrites, ouais. Profiteurs. J'en ai eu beaucoup, des profiteurs dans ma vie. Ouais. Beaucoup, ils abusent. Ils abusent. On les a évincés. J'étais tellement gentil avec eux que je leur donnais tout à manger. Je leur ai offert beaucoup de choses, ils ont profité de moi. Ouais, ma gentillesse. En fait, il faut pas profiter de la gentillesse des gens. Il faut être humble, surtout humble. Faire les choses au dos des gens et tout ça, faire de la bienveillance, créer de la bienveillance autour de soi et ne pas surtout bichoter les patients. C'est pas bon de bichoter les patients. Ça c'est un terme que j'emploie. De ne pas aller à l'encontre des patients. Si un patient te dit il ne veut pas de ça. Il faut respecter ses volontés, ses quatre volontés. Est-ce que vous comprenez ? Être très bienveillant avec les patients. Et ça va poser question dans une partie de ma chronique sur l'impuissance de la psychiatrie de secteur. C'est que souvent, les patients se font embêter et parfois, il y a des problèmes très graves qui se passent dans les institutions en hôpital fermé. Et souvent, je constate que les soignants ne réagissent pas, sont impuissants. Donc, est-ce que c'est parce que le problème les dépasse ou pas ? On verra ça dans ma chronique tout à l'heure. Ok, les métanoïaques sont tous là. Est-ce que Fofanata, tu peux nous faire une petite musique ? Mais peut-être faudrait mettre son micro. Sinon, je peux vous faire une musique à la guitare. Ouais, vas-y, prépare ta guitare, on va faire un peu de musique et après on va passer à la première chronique de la journée. Hein. On va mettre le micro, Fofanata, vas-y, on t'écoute. Voilà, tu as même deux micros là. Vas-y. Thank you. Fofanata, c'est Fofanata. Fofanata, oscillophone, qui fait les interludes musicaux. Et là, il y a Ernesto qui prépare sa guitare pour nous jouer le grand succès portugais des prochains étés. C'est ça ? En fait, c'est une musique ancienne, folklorique portugais, du nord, du Portugal, du Minho. Et c'est la région du nord, Porto, toute la région à côté de Porto, le Minho. Voilà. Et ça s'appelle la Ribeira da Grande, ça veut dire rivière grande. Ernesto, c'est là, ça sent bien là. Oui, on voilà, ça c'est les applaudissements. Hein. On voit si ça passe à la radio, ça passe là. Super, Ernesto. Tu veux nous enchaîner sur une autre là tout de suite ? Vous préférez américaine ou espagnole flamenco, ou... flamenco. Flamenco. Ouais. Américain. Tracy Chapman, le premier CD qu'elle a sorti, c'est tout joué dans. Ok. J'ai vais faire. Revolution, Talking Revolution. Ok, vas-y. Because I knew to know. Mais tu veux la chanter ? On peut la chanter avec toi, hein ? Bah, c'est la partition. Micro, Quentin. Est-ce que tu veux nous jouer Fast Car de Tracy Chapman ? Ouais, okay. Comme ça, je la chante avec vous. Bon, pendant que Ernesto cherche sa guitare, là, on va... Vous voulez dire quelque chose, Madame Barry ? Oui, en fait, c'est très puissant comme musique. C'est très émouillant. Il y a de l'émotion, en fait. C'est très intéressant comme musique. Elle est très bien, Tracy Chapman. C'est quelqu'un que c'est une dame que j'ai beaucoup d'estime pour Tracy Chapman. Elle chante bien en fait. Tracy Chapman qui est très humaine, très elle féministe. Elle est très humaine, très féministe. Elle est comme Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o. Donc elles sont de la même. Génération. Elle chante et elle joue très bien. Oui, elle chante et puis... C'est une professionnelle. Lupita Nyong'o. Je pense que vous savez que de qui je suis en train de parler. Lupita Nyong'o. Regardez. Oui. Lupita Nyong'o. Elle est bien. Elle est, entre autres. Vous, Madame Barry, vous venez de quelle ville des États-Unis? De la Californie. Ah oui, d'accord. Ouais. Beverly Hills, Los Angeles. Wow, Los Angeles, ouais. Beverly, Beverly Hills. Ouais. En direct. Il faut qu'on aille un jour à Beverly Hills. Vous nous faites un tour là-bas. It's nice. It's very hot. It's very hot out there. Very hot out there. It's very beautiful. It's very hot out there. Okay. Yeah. People yes. Really nice. People are very warm. Wow. Warm. They are very warm. Super. Out there. Yeah. C'est beau l'Amérique, les États-Unis. C'est beau. I am homesick. Yes. I'm homesick. Homesick. D'accord. J'ai le mal du pays, quoi. Oui. Homesick, c'est ce qu'on appelle homesick. D'accord. Okay. I'm homesick. Okay. Ouais. Bon. Bon, mais I like Paris. Paris is beautiful. D'accord. It's a beautiful city. Mm-hmm. Yeah, I love Paris. Paris people, French people are nice. Ah bon? They are nice. Some of them are nice, but some of them also are can be very painful. But some of them are very nice. D'accord. Many of them are very nice. D'accord. Ouais. Ok. Gentil, je veux dire quoi. Oui, very nice. En tout cas, je trouve que Paris c'est. It's not aggressive. Some snob. Of them. Snob. Some snob. Of them, very snob. Snobinard. Snobinard and everything. Ouais. But some of them, French people can be very close-minded. Mm. They are very close-minded. Ouais. They are not open-minded like the Americans, because the Americans are very open-minded. They have a general idea about everything. They can see the future. They can relate to people. They can be very well aware of the situations that's going on, and they are very visionary. D'accord. They are very visionary. Visionary. Yeah, the American people are very. En tout cas, ce que je vais dire sur Paris. Ouais. It's true. Yeah, it's true. It's fun. Les gens, en tout cas à Paris, sont beaucoup plus ouverts que dans le 93. Moi, quand je vais à Paris, je suis dans c'est mon clair. Monde et je me dis, je sais pas ce que je fiche ici. Voilà. Et tout à l'heure, je vais parler de la psychiatrie. Tout à l'heure, je vais parler de la psychiatrie institutionnelle. Oui. Du... Avant que. C'est Maximus, ton monde, Quentin Paris. C'est tu ça. Très titi parisien. Je sais pas ce que je fais ici. Ouais. Je ne sais pas. Toutes les avant amies. Que. Entre Sophie et Quentin, là, c'est la mode. Là. C'est vous que ouais. J'avais la mode de la radio métanoïaque, là. C'est ça. Ouais. Sophie, ouais. Et encore, moi, je suis pas à l'apogée de mon style. J'ai mis du prune, framboise. Et Quentin, blond, avec du talon. J'ai pas les talons aujourd'hui. C'est incroyable. Ah non, c'est la classe ici, le métanoïaque. Classe. On va faire un défilé de mode pour les Champs-Élysées avec notre radio. Mais là, il y a. Moi, je suis comme même j'étais dans le bus, franchement, Quentin. Les gens sont tristes. Ah, ils sont tristes. Ils s'habillent en gris ou en noir. Tout est terne. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit. L'autre fois, je suis allé en consultation avec Martin. Ouais. Il y a ce qu'on appelle des bottines pour hommes avec des talons cubains. C'est des talons qui sont assez hauts. Ouais. C'est pas des chaussures de femmes. Ouais. Mais l'ouverture d'esprit ici est tellement rikiki que dans la rue, il y a qu'Ernesto, mon ami, qui habite dans mon bâtiment. Ouais. Quand je sors comme ça le soir, il m'a vu un jour avec des chemises à Anne de la Vallière, etc. Ouais. Il ne dit rien. Mais tu peux t'es un mannequin. De la mais je risque l'agression, en fait. C'est-à-dire que je risque. Voilà. Les gens sont tellement. Alors qu'il y a une question psychologique et sociologique et humaine, philosophique qui se pose. Ouais. C'est si ça ne te concerne pas, si t'es pas habillé comme ça, que ce soit un look qui te choque ou pas. Ouais. Qu'est-ce que ça peut t'apporter de critiquer ou d'être agressif? C'est que ça renvoie quelque chose chez toi. On peut demander à Martin, les gens qui sont agressifs, par exemple, envers la communauté LGBT, peut-être. Par exemple, envers la communauté gay, lesbienne, etc., c'est des gens qui ont un problème avec ça. Ça, c'est Freud qui le disent et Lacan dans leurs écrits. C'est quand quelque chose, tu es agressif envers quelqu'un. Ouais, mais toi, que quand t'as les gens, tu les énerves parce que toi, tu fais, t'es quelque chose dont tu rêves d'être. C'est un être libre. T'as envie de te mettre un slip sur la tête, tu te le mets. Lui, il va demander au voisin, à sa mère, à sa communauté, au maire et tout, avant de se mettre le slip et encore. Et en fait, il y a un esprit, dans le 93, il y a un esprit qui est réduit. Et encore, je suis une femme, donc des fois, je sais comment je m'habille. Il y a un esprit dans le 93 qui est très réduit. Et très dans les carcans, c'est en fait. C'est parce que les hommes, ils n'ont pas de meufs. Ouais, c'est vrai. Ouais. Carcans, c'est-à-dire qu'ils suivent ce que... dans leur cité, on s'habille comme ça, et on s'habille comme ça. Fly il n'y a Mirage. Pas d'ouverture d'esprit, en fait. Les jeunes, la grande doudoune, j'en peux plus. J'en ai une. La oui, doudoune mais longue, Ouais, mais c'est matelassée. Pas la même que... Non, j'en peux plus de les voir avec ça. Ça il fait faut t'en deux acheter ans, une. Deux ans. Oui, mais j'en ai une. Mais je la mettrai quand ils la mettront plus. Alors, vous êtes à Kiev, non, je suis du Cameroun. On va juste faire une pause. Yes. Ah, d'accord. Une pause dans la conversation pour écouter notre musicien Ernesto. Il est prêt pour nous. Ernesto, tu veux présenter portugaise. Donne tout, Ernesto, donne tout. Tracy Sama, après la musique portugaise, ça serait Tracy Saban Fascar. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Fascar. Fascar, la voiture qui roule vite. Voiture. On prend une voiture qui roule vite pour aller loin. Fascar. Ok, ouais, moi. Déjà, c'est une musique portugaise. C'est une Ernesto. Soirée latina, donc, et multilingue, internationale. Ouais. Donc, vous avez des musiques espagnoles et tout ça. Langue latine, quoi. Et française. Ok. Soit du français aussi. Vive, vive l'internationalité. Ouais. Vive la mondialité. Alors, je vais vous jouer Valentin. Valentin en portugais. Valentin, c'est un père. Il s'appelle, c'est le nom, le prénom d'un père. Bravo, bravo, bravo, bravo, Ernesto. Il faut qu'on se montre un petit peu. Okay. Oui. Sophie, est-ce que vous pouvez mettre le micro à Fofanata parce qu'il accompagne non, mais sur le plastique là. Attends, Ernesto, une seconde. Oui. Allez. On y va. Voilà, on est tous prêts parce que Fofanata va t'accompagner là. 1, 2, 3. C'est l'introduction, il y a rien. Après, c'est direct. Oh yeah! Non, c'est bon, c'est bon. J'ai pas, il a pas fait la musique. Un petit mouvement de jambes trop. Comme Johnny? Non? Non. Johnny? Non, non. Comme... Vous faites du Johnny Hallyday si vous voulez. Non, il faut mettre Patrick Bruel. En fait, il faut que tu joues la musique pour que je puisse poser ma voix sur Fascar. Voilà. Ou bien Rock Voisine. Il faut mettre Rock Voisine. Il faut répéter avant. Bon, on peut le faire en vite fait comme ça. Il faut faire Rock Voisine. Okay. Rock Voisine avec sa guitare. Ouais, Rock Voisine, ouais. Je reconnais pas là. Seul sur le sable, les yeux. Mais Ernesto, c'est pas Fascar ça. Si, t'es sûr? Je le reconnais pas du tout. Là. Parce que ça fait You got a Fascar. I want to get to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. J'ai pas l'accent du tout. You got a fast car, I got a plan to get over. Il faut qu'on répète. Radio Métanoïaque, les effets spéciaux dans la place. Spiritualité et astral. Oui, allons-y. Allons-y. Il n'y a pas de Jeff Jean-François Bias aujourd'hui pour. Ouais. Elle sait c'est quoi. Elle était ah ouais. Bah du coup, Quentin il a pas chanté. J'ai pas pu, mais j'arrive pas à chanter aujourd'hui. D'accord, ok. J'arrive pas. Bon bah Ernesto, on enchaîne pas sur une chronique un peu là. Ok. Oui, la mode. On va revenir, mais là on va passer une chronique. Il y a la mode et après il y a Quentin. Et vous êtes Fofanata et Ernesto, vous apportez de la musique à chaque fois. Et après on va les revenir, ok? Oui, il faut lui dire parce que si vous lui dites ça. Alors, vous avez 2 minutes. Il va faire sa chronique qui va jouer de la guitare. On va prendre les deux. C'est ça, on est les métanoïaques, on n'a pas. Mais on va plus entendre. On est libéré des contraintes de la réalité. Attends, si vous dites, tu joues de la musique en même temps, il va faire ouais, d'accord. Moi, sur la mode, j'aime bien comment Clémence s'habille. Clémence Bottineau. Miss France 2020. Ah, oui. Miss France 2020. Ah bon? Ouais, Clémence Bottineau. Elle s'habille très bien. Moi, je préfère toutes les Miss de Clémence Bottineau que je préfère. Okay. Je préfère Clémence et Alicia Alès. Miss France 2017. Et là, de Miss France 2023, c'est qui? Je sais pas. C'est Indira Mpilo. C'est une Guadeloupéenne, je crois. C'est une Guadeloupéenne. Ouais. Mais elle a 18 ans. Elle est jeune. Elle a toute la vie devant elle. Elle a toute la vie devant elle, oui. Et comprends ce que je veux dire. Pour sauter les échelons. Pour s'élever, sauter les échelons. Mais voilà, en fait, elle n'est pas très mature, quoi. Moi, je préfère Clémence Bottineau et Alicia Alès. Alicia Alès. Quentin, tu voulais dire quoi? Moi, je voulais dire un truc parce que j'ai un projet. Si il me regarde la tête serrée. Non, c'est pas ça. Je voulais te dire que le rock, Madame Marie. C'est très joli. On dirait Guerlain. Tout à l'heure. On dirait un. Ça fait très Fendi. Ça fait très Fendi, ouais. Mexicain. Non, c'est même pas. Ça fait très inspiration Fendi, la marque de haute couture. C'est un peu. J'allais même dire Guerlain. C'est un peu français et c'est de la marque Gucci. Mmh. Ah ok. C'est de la Gucci. Ça fait plus Fendi que Gucci, je trouve. Ça fait un peu. Tu veux pas parler d'amour un jour? C'est un peu Chanel, quoi. Non. Ça fait un peu Chanel. Chanel. Je pensais que c'était marque métanoïaque. Non, ça fait un peu Chanel, mais c'est Fendi, mais c'est Gucci en fait. Non, bah, je l'ai acheté dans les petites Gucci. On a des pros, mais des pros de chez pro, ma chérie. Hein. Ouais. Sauf qu'on n'est pas comme Cordula, on n'a pas été pistonné, c'est une ancienne mannequin. Donc elle a été pistonnée, elle a traîné avec des homos, elle a un petit peu couché. Donc voilà, elle a fait AB Productions, le miel et les abeilles. Mm-hmm. Et puis maintenant, elle est conseillère en images. Ah bah mince alors, comment elle a fait? Après, c'est donné les moyens aussi. Magnifique. Hein. Ouais, bien joué. Magnifique. C'est comme Nabila Allo, ça l'a rendu célèbre. Magnifique, ça l'a rendu célèbre. Elle a déposé un brevet d'ailleurs. Voilà, toi et moi, quand on a plus de talent qu'elle, mais personne ne nous connaît, on a couché avec personne, c'est ce que je te dis. Ouais. On ne vit pas à Paris. Ouais. Moi, toi maintenant. J'aime bien Ramayad et Absat aussi. J'aime bien leur beauté. C'est qui déjà? Ramayad, sa beauté sénégalaise là. J'aime bien sa beauté et... Premier ministre, oui. Tu m'obliges à réfléchir, j'étais venue me détendre. Ah non, mais non. Ramayad, oui. Bon, on va passer à la chronique humanité. Et Absat aussi, elle est très belle. Ah non. On va parler de la psychiatrie. Absat aussi. Humanité. J'aimerais bien qu'elle est collègue psychiatre. Elle a déjà vu son maquillage. Ouh là là. Elle est belle, hein. Ouais. C'est une belle chroniqueuse, en fait. J'aime bien son maquillage, en fait. Voilà. Oui, Quentin, tu voulais... Non, moi je voulais juste dire un truc, c'est que j'aimerais bien me lancer dans le mannequinat et l'influence. Et j'imagine le bordel juste que ça va faire si je reste vivre à Bondy, bas de chez moi, en étant connu. J'imagine le bordel que ça va être, en fait, ça me fait rire. Parce que rien qu'en étant qui je suis et en ayant fait ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai des gens qui me surveillent, qui m'épient, qui me menacent de mort. Mais parce que tu fascines. Alors, avec... T'es libre. Avec l'influence, le mannequinat, qu'est-ce que ça peut être? Et c'est pour ça que j'ai du mal à me lancer. Ouais. Parce que j'habite quand même dans une zone qui n'est pas une cité. Ouais. Et Docteur Hérault en est témoin. Guy m'a accompagné chez moi plusieurs fois. C'est pour vrai. Avoir vu les gens, comment ils se trimballent. Docteur Hérault, il est parti très vite en marche arrière. Il n'est plus revenu. Hein. Ouais. Presque, il m'a laissé mes valises et bon courage. Quoi. Les gens sont tous montés dans la voiture et ils sont partis comme si j'étais un terroriste. Ouais. Donc du coup, je me dis, si je suis mannequin et influenceur, qu'est-ce que ça va être? Ça va être génial, Quentin. Donc maintenant, je vais passer à ma chronique sur la psychiatrie. On a le collègue psychiatre Docteur Hérault qui est juste c'est ici. Beau, ce que j'ai dit. Ça va être génial, Quentin. Ouais. T'inquiète pas. C'est gentil, j'espère. Je vais essayer de me lancer petit à petit. Comme disent certaines personnes, on va foutre le sbeul. Toi et moi, ça serait bien. On le fout déjà, hein. T'as vu l'effet que tu as fait quand t'es venu dans mon bâtiment l'autre fois. Hein. Les voisins étaient caricatures d'hommes, étaient par terre. C'est vrai. Ils sont restés. Tu l'as vu, ils sont restés quoi? Oh, Quentin, qu'est-ce que je fais sans toi? Je te jure. Tu réponds jamais à mes messages, Quentin. Tu m'en envoies plus? Psychiatrie humaniste de Quentin. Bon, bah, je vais te renvoyer des messages pour que tu ne me répondes plus. Non. Ça serait sur la psychiatrie institutionnelle qui n'est pas toute puissante et les erreurs de diagnostic à l'appel et ce qu'elles entraînent. Donc du coup, c'est assez long. Je vais commencer par débroussailler un peu le sujet. Donc déjà, j'ai constaté dans beaucoup de cas en psychiatrie, et pour avoir fait des recherches bénévoles sur le sujet, il y a un retard dans l'impression et la compréhension du diagnostic et l'efficience des soins. Donc du coup, la psychiatrie, c'est un domaine qui est non médical. Déjà, on peut demander à notre collègue, et vous savez que la psychiatrie en France n'est pas considérée comme de la médecine classique. C'est un domaine qui est de la psychiatrie, c'est pas considéré comme une discipline médicale. Et les symptômes sont tellement complexes à diagnostiquer qu'on se heurte à des symptômes spécifiques complexes qu'on appelle un tableau clinique. On parle souvent de tableau clinique, le patient arrive avec des symptômes. Et souvent, le but en psychiatrie institutionnelle, c'est ce qu'on appelle l'abrasion des symptômes. C'est-à-dire on va abraser les symptômes, les faire redescendre et après on va parler. Mais ce que je constate, c'est que pour avoir été patient et pour avoir été témoin et avoir fait des recherches sur le sujet, souvent l'abrasion des symptômes ne permet pas la compréhension de ce qu'il y a en amont des symptômes. C'est-à-dire que les psychiatres ne vont pas chercher assez loin. On étiquette via les statistiques qu'on nous demande en institution une pathologie, souvent c'est la psychose, et on échappe au domaine primaire, enfin aux symptômes primaires et leurs causes. Souvent, il y a Dr Serra, la semaine dernière, qui m'a parlé, qui est le chef de pôle de l'institution ici, qui m'a dit qu'il y avait un schizophrène qui était suivi ici, qui était psychotraumatisé, mais qu'on n'arrivait pas, lié à cette errance, cette chronicité, à établir les causes premières de pourquoi, qu'est-ce qui l'a traumatisé, etc. Alors moi, je pense que là, c'est qu'on a loupé dans les symptômes premiers de comprendre, au lieu de les chercher juste l'abrasion des symptômes de l'agressivité ou du délire, à comprendre pourquoi le patient est arrivé ici. Moi, j'ai été hospitalisé ici plusieurs fois et on n'a jamais compris pourquoi j'étais là. Ouais. On n'a pas voulu m'écouter. Ouais. Le patient que vous n'arrivez pas à mettre la main dessus, il était hospitalisé où avant ? Il était dans l'institution, après j'en sais pas plus, mais Dr Sarah m'a dit que c'était un patient qui était suivi depuis l'enfance, et que les traumatismes de l'enfance n'ont pas réussi à être identifiés. Ils l'ont hospitalisé. Et ça, ça crée, voilà. Mais tu l'avais dit, Quentin, en plus, qu'on devrait plus parler avant de poser un symptôme. Alors, peut-être il y a eu des erreurs médicales, parce alors, que c'est ça, ça. Peut se, c'est ça. Ça peut se faire des erreurs ce que je voulais dire, c'est que le psychiatre n'est pas tout puissant. Une erreur de jugement. Et souvent, ce qui pousse le psychiatre à poser un diagnostic, c'est la rapidité que l'institution demande à la prise en charge du patient. Ouais. Et souvent, les symptômes premiers, ils sont abrasés, ils sont calmés. Ouais. On a mis une étiquette, on chronicise, on éduque on institutionnalise le patient. Le patient, après, a des rendez-vous. Ouais. Mais après, on constate qu'il y a une chronicité avec des phases de descente, de redescente de la pathologie. Et là, je pense que c'est un réel problème. Parce que à part les psychiatres, je sais plus ce que je voulais dire, mais à part les psychiatres, qui soignent en fait en institution ? Et je voulais parler de l'impuissance des infirmiers. Souvent, les infirmiers, les entretiens sont insuffisants. Ouais. Moi, pour me heurter à une dimension psychotraumatique très complexe, je vois des infirmiers qui sont démunis face à moi, qui me disent ça, c'est pas un problème de psychiatrie, c'est un problème de justice, c'est un problème de police. Et là, on se questionne à quoi sert du coup la psychiatrie, à part poser le doigt sur un symptôme, une pathologie, une étiologie psychiatrique, comme on appelle ça, mmh. et après institutionnaliser le patient et les soins perdre leur efficience. Ouais. Dans la psychose, c'est un peu ce que j'appelle comme le fourre-tout. J'avais ma pédopsychiatre qui était une très bonne psychiatre. Après, les relations avec moi sont détériorées, mais elle m'a dit on ne sait pas ce que vous avez. Donc du coup, ça fait penser à la psychose parce que c'est notre fourre-tout. Quand on ne sait pas, on dit psychose et ça me gêne. Parce que du coup, après, il y a une certaine chronicité des symptômes qui s'installent. Le patient n'est pas traité pour ce qui l'amène profondément à se trouver en souffrance, mais pour des symptômes apparentés à la psychose. Mmh. Et comment soigner seulement des symptômes afin de les abraser sans traiter la base? Le patient, souvent, après, il y a une certaine... Une erreur médicale. Des erreurs médicales. Après, comme j'ai dit, le psychiatre n'est pas tout puissant, mais je pense qu'il y a un manque de temps en institution pour parler et comprendre. Parce qu'il y a trop de patients, il y a de la pression, il y a un turnover de place, il y a un turnover qui est important. Il y a des patients qui sont habitués à venir au secteur, donc il faut libérer des lits. Mm-hmm. Et souvent, le temps de la parole et de la compréhension, parfois... Et c'est ça que je voulais jumeler avec mon... Est-ce que tu crois qu'ils ne creusent pas assez dans l'enfance ? Ils ne creusent pas assez dans l'enfance. Et, et souvent, l'impossibilité de creuser dans l'enfance, c'est qu'à partir de l'enfance, il y a d'autres psychotraumas qui s'ajoutent, d'autres événements. Donc le patient peut se braquer. Tout creuser, voilà. Et tout creuser, c'est impossible. Souvent, le patient, si on prend le cas du jeune schizophrène ou de la plupart des patients qui sont aigus ici ou chroniques, on a du mal à parler avec eux parce que la pathologie est tellement prégnante qu'on ouais. ne peut pas il remonter faut, il... aussi loin dans les symptômes. Quoi. Moi, je me dis, il ne faut pas trop rentrer dans la vie si on peut, mais sujet. Après... Il ne faut, pas, il faut ouais. pas rentrer trop dans la vie privée du patient. Par exemple, si le on patient... est obligé pour comprendre. C'est exactement. Si le patient a une famille, tu appelles juste... par exemple, si le patient a une famille, tu appelles le frère ou bien la mère, tu lui demandes... quel âge a votre enfant ou quelque chose comme ça, c'est vraiment ridicule parce que tu as le charge du patient, donc il ne faut pas rentrer trop dans la vie privée du patient, dire il est sorti à quelle heure hier, il sort avec qui, il mange quoi, des après, trucs quand comme on rentre, après, ça. Quand ça, on, parce ça, que quand dans le vif du sujet, là, parce que là, ça c'est parce la vie privée en fait, du, qu'il veut dire, du patient. On peut creuser dans l'enfance, mais après... les moyens sont pauvres et c'est de l'abattage. Et après, est-ce que le patient est prêt à aller aussi loin ? Alors ça, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'il y a des gens qui réagissent avec violence. C'est ça. Alors c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que c'est trop balèze. C'est pour ça qu'un psychiatre est limité. C'est-à-dire que le patient soit moi, comme je souffre de psychotrauma, je donne les clés pour comprendre. Oui. Et là, on ne me croit pas. Là, c'est de la faute du psychiatre, puisque les histoires du 93 sont parfois tellement imbriquées dans des choses complexes que pour un psychiatre qui ne vit pas sur les lieux, comme ma pédopsychiatre avait du mal à comprendre et à me croire, là, c'est un problème de soins, c'est un problème de politique de soins et d'ouverture d'esprit et de se mettre à la place du patient, le croire. Peut-être émotionnellement, elle était sortie de son cadre. Quentin aussi, elle était sortie de son cadre émotionnel. Ouais. À chaque fois, on rabâche les mêmes traumas. Et moi, je mettais un peu trauma. Pour son frère ou son mec. Et juste ou ce que je pas. Voulais dire pour terminer, c'est que, en fait, j'ai perdu mon fil. Non, c'est souvent, pas souvent la puissance du psychiatre, c'est pas que de sa faute, c'est pas la faute du psychiatre. Il y a des fois où le psychiatre ne veut pas nous croire et essayer de comprendre parce que les histoires sont trop grotesques et trop. C'est digne d'un film, hein, mes histoires, donc voilà. Mais il y a parfois un problème d'ouverture du patient et parfois il est tellement ancré dans la pathologie que le psychiatre n'a pas les clés pour l'aider, n'a pas les clés pour comprendre. Et voilà, et c'est là à ce moment-là qu'on décharge de responsabilité. Voilà, et c'est à ce moment-là qu'on peut décharger de responsabilité les psychiatres puisqu'ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas l'ouverture d'esprit du patient et parfois, souvent, c'est le diagnostic premier qui a été bâclé. Et souvent, après, c'est l'enracinement dans tout le reste, quoi. Voilà. Que je connais qui est dans le déni, c'est pas, des fois je me dis c'est pas trop grave parce que je pense qu'il pourrait pas accepter certaines réalités. C'est un déni qui le protège, tu vois ce que je veux dire, mais comme tu dis après ça donne pas les clés après je me dis pour s'en sortir. Un patient en fait peut-être par exemple moi j'ai pas besoin de médicaments pour vivre. Je fonctionne, je fonctionne très bien sans médicaments. En fait, je n'ai pas besoin, j'aime l'intelligence naturelle. L'intelligence, elle est plus naturelle que artificielle. Donc, si tu ne prends pas de médicaments, après les traitements servent aussi à calmer des symptômes qui sont parfois en fait, je n'ai pas dangereux pour la personne ou pour autrui. Donc j'aime l'intelligence naturelle. J'aime l'intelligence naturelle. Donc je suis toujours joyeuse et tout ça. Et j'aime apporter pour de la joie. Des énergies, tu vois. Donc je sais pas. C'est une bonne signe. Ouais, c'est ça. On va faire une petite interlude musicale avec Ernesto from Porto, de Porto, Portugal, toute la musique portugaise qui vient ici présente aujourd'hui en force. Jamais. Il s'appelle l'épervier. L'épervier, il faut le dire, est le pire des. Bonjour, docteur Hérault. C'est pas grave. C'est juste que. Vas-y, prends le micro, Fofana. Vas-y. Juste, t'entends. Ils ont dit que je dois aller à Étampes, non? C'est mon copain, non? Je dois y aller là-bas. Tu crois que tu dois aller là-bas? Oui. La dame m'a dit qu'elle doit m'envoyer dans un autre hôpital, non? À Cachan. Ah, je sais pas. Non, oh, je dois déménager aussi. Ah, d'accord. Tu vas déménager ? Oui, peut-être, oui. Tu vas nous manquer. Tu vas à Cassor, tu vas nous manquer. Oui, oui, quand je parle à Cassor, je peux venir, non ? Tu peux venir, oui, à oui. La radio, tous les mercredis. À Étampes, je peux venir. Oui, et aussi, tu prends le numéro de téléphone de la radio, tu peux nous appeler aussi. Oui, hein. D'accord. D'ailleurs, tout le monde qui entend ici à la radio. Tu vas nous manquer, oui. Tu vas nous manquer. Oui, je peux venir, je peux venir. Ton sourire et ta voix vont nous manquer. Oui, d'accord. Ouais. Oui. Micro, micro, Isabelle. 91, oui. Oui. Isabelle, micro. Il faut... Madame Raji, vous pouvez aider le micro, Isabelle, s'il vous plaît. Elle devrait faire quelqu'un. Bon, mais continue, Fofanata, en t'entend. Tu peux nous continuer à parler. Tu as une telle belle voix, tellement fine et douce que ça nous porte. Elle ressemble à Yamna Kumunakambora. Il y en a qui disent ça. Non, non. Non, elle adapte. Adat. Bienvenue à la radio. C'est ça. Bon, alors, Ernesto, une petite chanson en dernière. Ce sont des très belles femmes, ce sont des très beaux mannequins. Non. Il n'y a que le micro. Pas de caméra. On fait avec la radio, pas l'image. On fait des chansons, vous voulez chanter avec nous ? Venez, asseyez-vous. Vous pouvez chanter ? Vous voulez chanter une chanson ? Est-ce que vous voulez chanter une chanson ? Pour clore la radio, chanter. Celle que vous voulez. Ce que vous voulez, voilà, tu peux chanter ce que tu veux. Oh. Vous pouvez écouter aussi. Si vous quand vous voulez, ok. D'accord. Voilà. Il y a des gens qui voilà une personne qui aime bien la radio. Les gens qui n'aiment pas l'image, c'est bon. Voilà, le droit. Voilà. Ernesto, Flamporto, Portugal. Vous trouvez une musique portugaise ? Oui. Et après, ça, on va tous chanter les copains d'abord, de Jorge Brassens. D'accord. Allez, vas-y, Ernesto. Quand est-ce qu'on parle de mode ? D'accord. C'est juste que ce micro il a le xylophone, mais ça va super, Ernesto. Vas-y, on te suit. Thank you. avec plaisir. C'était quoi la littérature? Et non, il est 17h42 à Bondy et nous allons parler de mode avec Quentin et Sophie et je fais l'écho de la voix de Sophie. Prenez un micro tout le monde. Un micro, allez-y, on y est. Moi je suis hyper canon. Quentin. Bonjour monsieur Véné. Clémence toi. Bienvenue à la radio. Hein. Bon. Bienvenue. Alors on va parler blazer avec Quentin. Quentin okay. Dernièrement m'a offert un blazer qui me faisait un peu penser aux vestes Chanel qu'on porte dans les écoles anglaises. Mmh. Il manquait, j'ai failli très mettre preppy. Mettre un écuisson. Je me suis dit non, je le laisse non, comme ça. Non, c'est mieux comme ça. Ouais. Ouais. Et j'ai mis avec un jean slim, avec des talons. Je suis allée à un mariage il y a 2 semaines et la veste a fait sensation. Mmh. Donc voilà. Donc c'était imitation, un beau blazer. Mmh. Et c'est là que je me suis dit on devrait ressortir le blazer pour les femmes. Blazer noir, blazer. Blazer rose bonbon, tout ça. Donc voilà. Et c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez parler des modes, Sophie? Donc voilà. La et mode et les Vas-y, vas-y. Après. Ça, c'est vous, Madame Barry? Non, c'est Miss France. Ah, d'accord, ok. Parce que quand vous étiez Miss Galaxy, c'était un peu... Bon, ok, pour le retour du blazer, comme ça, ça va être plus rapide. Le blazer est intemporel, de toute façon. Voilà, merci. Intemporel pour tout le monde. Merci, Quentin. Mm. C'était la science mode, c'est fini. C'était rapidement la mode dans ça, donc on va... Mais ça intéresse personne, donc c'est pas la peine de prendre la tête aux gens. Tu peux jouer, Ernesto. Voilà. Oui, mais c'est pas grave, on parle des modes, pas de choses. Et quel autre sujet on devait aborder aujourd'hui? Même quand il n'a pas eu le temps. Tu veux parler? Vas-y, vas-y. Voilà. Un morceau rock'n'roll, je ne sais pas si vous aimez le rock'n'roll. Un tout dernier là après pour finir le programme. Viene la plaga, te gusta bailar. Là viene la plaga, le gusta bailar. C'est de la joie au cœur des gens. Mais oui. Vas-y, est-ce qu'on peut chanter une chose tous ensemble? Non, vous n'avez plus? Vous boudez là, voilà, les gens boudent. Alors, Régis, tu voulais parler d'un truc? Oui, vous avez vu? Vas-y, tu peux prendre le micro. Ça marche là? Oui, ça marche. Là, c'est les ateliers du violoncelle en ce moment, faut pas rater ça, c'est Métro Jourdain. C'est du mardi 14, ça a commencé hier, c'est avec les meilleurs violoncellistes de France. C'est très intime, vous pouvez y aller, c'est gratuit toute la journée. Donc hier, il y avait Eric Maria Couturier, Nicolas Cross de l'Intercontemporain, je ne sais pas si vous imaginez, c'est carrément les plus grands violoncellistes de France actuellement, qui donnent des cours gratuitement toute la journée. Le soir, il y a des concerts, donc ce soir, il y a un concert, donc c'est 5 rue du Plateau, métro Jourdain. C'est 8 euros le concert, je crois, mais enfin, vous pouvez toute la journée être gratuit là-bas. Donc, il y a demain soir, ce soir, mercredi 15, c'est à 20h. Jeudi 16 mars à 20h aussi, c'est les chants populaires des femmes de la plaine du Pô à pleine corde avec Déborah Walter, violoncelle, et puis Sylvia Torozzi. Le vendredi, c'est avec Vincent Courtois qui organise. Donc professeur à Aubervilliers de violoncelle et qui organise une soirée qui s'appelle « Il suffit de passer le pont ». Mais c'est pareil, chaque fois, c'est des inventions, de la création comme à la radio. Et c'est un très bon aussi, Vincent Courtois. Le samedi à 20h, il y a carrément le ravissement de Schubert par les quatuors Bella et Voce. C'est les meilleurs quatuors du moment, là. Et tout ça pour très peu cher, je vous dis, entre 8 et 11 euros. Noémie Boutin. Et dimanche, toute la journée, c'est gratuit, avec des concerts, des élèves présents qui vont jouer. Oui, oui, des étudiants qui viennent toute la journée. C'est masterclass. Masterclass. D'accord. Et donc, du coup... masterclass, my friend. Et du coup, voilà. Donc, Sophie la girafe y sera. Et donc, ceux qui veulent venir, welcome. Hein. Voilà. Donc, atelier du plateau, Paris 19e, 5 rue du plateau. Métro Jourdain, tu vas derrière l'église, là. Il y a une super petite boulangerie. Il y a un repas aussi, soupe miso, 3 euros. Vous y êtes ou pas ? Moi, je sais pas. J'ai tellement de choses à faire. Oui, j'aimerais bien y être. Ce soir, j'y suis pas. D'accord. Ce soir, je suis à l'atelier de je sais pas quoi. C'est quoi ? C'est quel jour, alors ? Eh bien, c'était hier, déjà. Un super concert. Hier, c'était extraordinaire, avec Eric Maria Couturier. Michel Rabia, pareil, qui invente, il te plairait. Je me suis dit, dommage que tu ne sois pas là. Il invente des sons avec toutes sortes de trucs, des allumes-gaz, des trucs comme ça. Enfin, c'est un batteur, quoi. Et Nicolas Cross, c'est le violoncelliste, le contrebassiste de l'intercontemporain. Tu vois, bah, ouais, on y était l'autre jour. Bah, on était ensemble au concert, ouais, le confinement. Sais. Voilà. Tu avais vu Eric Maria Couturier, celui qui jouait avec ma fille là-haut, tout tatoué là. Il est extraordinaire. Et Nicolas Cross, c'était le contrebassiste, le grand aussi, tout tatoué là derrière. Voilà. C'est plus les profs de violoncelle tels qu'on les imagine. Il faut dire aussi qu'il y a le festival Sonic Protest en ce moment de tous nos amis à Paris et banlieue. Notamment Eric Minkinen qui joue avec son groupe Sister Jodine samedi prochain. À Gentilly. Donc vous pouvez voir sur le programme sur le sonicprotest.org et voir la programmation. Eric, c'est notre oreille de la radio Pinot qui nous dit le volume ça va, il faut s'entendre comme ça. Donc on va essayer d'aller tous le voir au générateur à Gentilly, samedi 18 mars. Voilà, voilà. Est-ce qu'on continue avec le programme ? Il y a la demoiselle. Pardon. Elle voulait nous parler. De la psychiatrie au Portugal. Oui, alors parce qu'on a une nouvelle stagiaire, voilà. Future psychiatre du Lisbonne qui vient ici, Béatrice, et qui vient nous apporter sa musique, sa poésie, sa clinique méditerranéenne. Enfin, quoi que le. Voilà, et bienvenue. On aura autant de présentations. Hein. Avec des yeux bleus comme ça, c'est normal. Hein. Merci pour me recevoir ici dans votre radio. C'était magnifique d'écouter toutes les chroniqueurs et la musique aussi. Je viens de Portugal, Lisbonne. Et oui, là, je commence mes études en psychiatrie. Du coup, je ne sais pas tout, vraiment. Mais là-bas, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la psychiatrie, beaucoup de pensées à ouvrir. Et ici avec vous, je peux bien voir qu'est-ce que c'est le potentiel de toute la vie avec la maladie et sans la maladie aussi, de toute la création. Et du coup, j'espère de pouvoir partager cette radio avec Lisbonne aussi et de continuer à apprendre avec vous. D'accord. Oui, merci beaucoup. Bravo! Oui, c'est voilà. Bien. Hein. Voilà. Vas-y, Ernesto. Vous pouvez prendre la parole, vous pouvez jouer. Merci beaucoup, Béatrice, bienvenue. Elle va être là avec nous 2-3 semaines. Ouais. Et puis, j'espère qu'elle va revenir après aussi. Oui. Béatrice, viens là. Ernesto. Vous jouez full sentimental d'Alain Souchon. Je le fais dans ma tête en fait. Je le regarde pas sur le portable ou quelque chose comme ça. Parce que n'ai pas internet des fois. Un morceau beaucoup plus gay, Ernesto, sérieux. Ok, portugais alors. Merci. C'est gay ça. Ah mais d'Ernesto, je sais pas. Hein. Sophie, on est trop snob, toi et moi. C'est oui, merci ça. Ernesto. On est trop snob. De la bouche d'Ernesto, c'est un peu. Quoi? Moi, je veux dire. Déprimant? C'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Martin? Moi, je ne pense pas que c'est la déprime. Non, c'est pas déprimant, Ernesto, mais t'as pas assez mis d'entrain. C'est pour ça que je t'ai dit, t'as pas un truc un peu plus vivant. Non, bien. C'est bien. Vrai que c'était bien. Mais oui. Vous faites de la solidarité. Mais non. En fait, les gens. Je vois ça. Est-ce que je peux continuer ma chronique sur la psychiatrie? Attends, il nous reste 9 minutes. 9 minutes. En fait, vous allez m'écouter un peu. Non, parce que ouais, à 9 minutes. 3 minutes donc pour tu as 30 secondes. Et puis on a un solo de profanateur. Voilà. C'est ça qui va nous dire quelque chose aussi. Et Isabelle. Moi, voilà. Je me dis que. Isabelle, va falloir que. Au fait, on me prend pour Clémence Bottineau. Alors, je ne suis pas Clémence Bottineau. En fait, elle a été Miss Monde, Miss France 2020. Et elle vient de la Guadeloupe. Et moi, je suis américaine, en fait. Je suis. Je suis peut-être je suis d'origine américaine en fait, donc je parle anglais, je parle américain. Oui, mais fallait que ça s'arrête à un moment donné. Mais ouais. Il est très beau ce diable. Magnifique. Hein. J'aime bien Brad Pitt. Voilà, fallait que ça s'arrête à un moment donné. Oui, c'est vrai. Carnage. Qu'il est, c'est pas ouais. Entre vous, ouais. Sentimental. Brad Pitt, c'est mon genre d'homme en fait. Non, mais à une époque, elle était Miss Galaxy. Non, je suis Miss Monde. Ah oui, elle est encore Miss Galaxy. Hein. Non, je suis Miss Monde. Je l'accorde, docteur. Ah, pardon. Non, j'ai été Miss Monde. Hein. Ah, moi, j'ai vu les photos, elle est vraiment Miss Monde. Ouais, j'ai été Miss Monde. Ah, oui. D'accord. Monde. Moi, je suis Miss Galaxy, mais alors, attention. Hein. Bah, ouais, tu es Miss 9-3. Voilà. Bientôt Miss Paris. Quentin, tu peux finir. Tu as 3 minutes pour finir ta chronique. Miss Oseille. Miss Oseille. Miss Gouja. Miss Aujourd'hui, on n'a pas eu les gens d'en bas, hein, parce que non, on n'a pas le temps d'aller monté, chercher, hein. C'est pas grave, on est nombreux. Vas-y, Quentin, tu bon, as. Bon, alors moi, je voulais faire intervenir Dr Hero conjointement avec moi, puisqu'il est là. Oui, parce que j'aime bien avoir l'appui d'un spécialiste. En fait, je trouve que le 93, je fais une thèse là-dessus qui est totalement hors cadre d'université, etc., mais je parle de l'implication des psychiatres au sein d'institutions du secteur du 93 et comment ce secteur fait de la psychiatrie à un secteur particulier qui n'est pas pareil que celui de Paris, du 77, etc., avec des problèmes qui sont bien enracinés et insolites. Et en fait, du coup, je trouve que travailler dans le 93, c'est quelque chose de particulier. J'ai perdu mon fil complètement. Et en fait, pour avoir été à Jean Verdier plusieurs fois en tant que patient, j'ai observé des situations qui sont totalement inédites. Et travailler dans le 93, c'est pas travailler ailleurs, c'est des problèmes qui sont bien endémiques, j'ai envie de dire, du 93 ancré. Voilà. Alors, c'est pas qu'il y a trop de problèmes. C'est pas qu'il y a trop de problèmes, c'est qu'il y a des problèmes qu'il n'y a pas ailleurs. Et souvent, quand on n'est pas du 93 et qu'on vient en tant qu'interne... Bonjour Pedro Serra. Je remercie Dr Serra pour avoir fait paraître mon article. Non, pour avoir fait paraître mon article. Ouais. Pedro, ma place. Pedro, les chroniqueurs de Gastrosophie, il va nous faire une chanson à la guitare, là. Vas-y, un micro, quelqu'un. Ernesto, tu peux mettre le micro, là ? Mets-toi à la place d'Ernesto, sinon. Sexy lady. Voilà, et on est Radio Métanoïaque, tout le monde a chanté. Bientôt, c'est le printemps. Vas-y. Et que le soleil arrive, je pense un peu au Brésil. Parce qu'on aime bien être au soleil, ça donne l'appétit, ça donne envie de boire des jus de fruits, ça donne envie de boire des cocktails sans alcool, à consommer avec modération, sauf le champagne ruinard. Oui, merci. Et failli se déshabiller, c'était bien. C'était le message gastrosophique du jour. Ouais. Ça nous a emporté. Merci. Cette mélodie enveloppante, légère et appétissante. Ouais, super. Amen. Merci beaucoup, Pedro. Bon, on est dans Métanoïaque. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Quentin? Il reste 3 minutes, vas-y. On peut, voilà, on crie, on peut pleurer. T'as dit qu'en Seine-Saint-Denis, il y avait des problèmes bien ancrés, qu'il fallait plus que de l'abattage, que les gens, ils avaient des problèmes dans leur tête depuis trop longtemps, qu'on ne pouvait pas régler. Qui sont des bics. Avec de la psychiatrie. Ouais. Voilà. Et qui continuent de fumer. Et c'est plus ça le temps passe, dire. Malgré la psychiatrie, plus le temps passe, plus je me demande encore une fois qu'est-ce que je fais ici. Voilà. Je me dis, I would like to say vous something. Pouvez passer 5 jours aux ateliers du violoncelle. C'est 5 jours entiers. Dans Paris 19e, je dirais pas que Jourdain, c'est extraordinaire non plus. On a vécu. Oui. Nous, on a vu des trucs à Jourdain. On a vu un mec se faire enlever devant nous l'autre jour avec Martin. Voilà. Donc il y a le 93, mais il y a le 19e aussi. French people are very J'ai rude. Ramené une partie du 93 à l'église de Jourdain et le prêtre s'est mis à pleurer et il a dit « Je peux rien faire pour vous, mais je peux vous accompagner sur votre spiritualité. Faites très attention à vous et remettez-en vous au psychiatre. » Remettez-en vous au psychiatre. Non. Ni au j'ai dit que j'étais pas très croyant. D'accord. They are very rude. C'est bon. Very rude. Bah écoute, ça lui a fait du bien, hein, parce que d'habitude, ceux qui veulent se confesser, ils n'ont pas la même vie que toi, c'est des parisiens, c'est des bobos. Ah mon Dieu, j'ai couché avec mon collègue de travail, il entend ça toute la journée, mais il n'entend pas ça, des trucs comme ça. Tu l'as fait évoluer d'un coup. C'est ça, et il t'en pleure. Bon, I'm looking for somebody who doesn't have... Elle veut pas te dire. Elle veut pas te dire. I'm looking for somebody... I'm looking for somebody who doesn't have any children, any wife, no children, who is older than me, more mature than me, because to tell you something, my birthday is coming up. C'est-à-dire? Traduction? D'accord, tu veux quoi? What do you want? I wanna you get want out of here. Ernesto te chante une chanson? I want to get out of here. I want to have an apartment. I would like to have an apartment. Miss Gouja, ouais, t'as pas tort. I tu veux qu'Ernesto like te chante Hélène like Rock voisine, c'est ça? No, I would like to... No, no, no, vas-y, no. Fais chauffer. Bien sûr. Non, non, il ne faut pas y aller jusqu'à là. Vas-y, Ernesto, fais chauffer la guitare pour l'anniversaire de la sœur qui est là. Tu lui fais Rock voisine. Qu'est-ce qu'il chantait déjà? I would like to get out of here. Voilà, c'est pour ton anniversaire. Aujourd'hui, c'est votre jour à tous les deux. Je sais pas pourquoi. Parce que franchement, bon, ça vaut pas le coup. Mais bon, profites-en. On est. Il est 18h. Radio Métanoïa dit à la semaine prochaine. Radio Métanoïa.